إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 40 dans l'explication du livre Umdat al-Ahkam avec le sharh de Sheikh Abdullah al-Bassam qui s'intitule Taysir al-Allam. Et donc on est toujours dans le chapitre de la salat et dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on est en train d'expliquer ou de compléter l'explication du hadith numéro 80 qui est le hadith de Aisha radiyallahu anha qui décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au dernier cours on a commencé à expliquer certaines des divergences qui existent chez les ulama sur certaines des questions, et on a parlé au dernier cours de certaines questions qui ont rapport avec al-usul, usul al-fiqh. Aujourd'hui on parle d'une autre divergence, c'est au sujet de la question de la position assise dans la prière. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah, il dit: واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس فذهبت الحنفية إلى الافتراش في جميع جلسات الصلاة سواء بين السجدتين أو التشهد الأول أو الأخير ويقابلهم المالكية فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو ما كان بين السجدتين وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين وإلى التورك في التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ثنائية أو أكثر من ذلك وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول والتشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد وإلى التورك في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. Donc on va traduire ça et après on va traduire la preuve, les preuves de chacun pour la position qu'il a adoptée. Donc les ulama ont divergé en ce qui concerne la description recommandée pour s'asseoir dans la prière. Donc les Hanafiyya, Madhab al-Ahnaf, eux, ils ont pris la position que on doit adopter la position de al-iftirash dans toutes les différentes situations dans lesquelles on est assis dans la prière. Peu importe que ce soit entre deux prosternations ou que ce soit pour le dernier tashahhud ou le premier ou le deuxième, hein, le premier ou le dernier tashahhud. Pour eux, ils considèrent que c'est al-iftirash, du début jusqu'à la fin, sans exception. Donc, al-iftirash, on l'a déjà expliqué, c'est de s'asseoir sur le pied gauche et de redresser le pied droit du côté droit du corps. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-iftirash. En ce qui concerne al-malikiyya, le madhab al-maliki, eux, leur position, c'est qu'il est légiféré de faire al-tawarruk dans toutes les positions assises de la salat, peu importe que ce soit entre deux prosternations ou entre ou pour les deux tashahhud. Dans tous les cas, pour eux, c'est al-tawarruk. Et al-tawarruk, c'est quoi? On l'a expliqué déjà dans les cours précédents. Al-tawarruk, c'est de s'asseoir sur la fesse gauche et de faire passer le pied, la jambe droite sous la jambe, la jambe gauche sous la jambe droite, en s'asseyant sur sur la fesse gauche, du côté gauche. Donc ça c'est, vous allez voir, surtout les gens de l'Afrique de l'Ouest, hein, ils font souvent ça, tawarruk entre deux sajda, et aussi dans le tashahhud al-akhir, ils le font souvent. Justement c'était dernièrement, quand j'étais à Médine il y a quelque temps, pendant le mois de janvier, j'étais là-bas pour la Umrah, et j'ai rencontré le Cheikh Abdurrahman Al-Kouni, et je lui ai posé la question parce que je l'observais prier, puis j'ai constaté justement que il faisait tawarruk dans les différentes positions, même entre les deux sajdas. Donc je lui ai posé la question à ce sujet-là. Et j'ai constaté que effectivement, comme le Cheikh Abdullah Al-Bassam il le dit ici, c'est la position des Malikiyya. Hein? Donc ils font le tawarruk dans toutes les positions. Donc ils sont à l'opposé des Ahnaf qui eux font l'iftirash dans toutes les positions de la salat. Tandis que Al-Shafi'iyya, eux, ils ont adopté que ils font l'iftirash dans le premier tashahhud et dans le dernier tashahhud. Ici, la façon dont c'est expliqué, c'est qu'ils font l'iftirash dans le premier tashahhud dans une prière qui contient deux tashahhud. Si la prière elle a deux tashahhud, comme salatul maghrib, salatul asr, hein, salatul isha, salatul dhuhr, salatul asr, salatul maghrib ou salatul isha, il y a deux tashahhud dans ces prières-là. Donc dans le premier, ils font al-iftirash, et dans le dernier tashahhud, ils font al-tawarruk. Et ils vont même faire le tawarruk dans le dernier tashahhud si c'est une salat qui a seulement un tashahhud. C'est ça la différence qu'ils ont avec les Hanabila. Parce que les Hanabila, les gens qui suivent le madhhab al-Hanbali, eux, ils vont faire al-iftirash uniquement lorsque il y a deux tashahhud. Dans le premier tashahhud, ils vont faire l'iftirash, mais dans le deuxième tashahhud, ils vont toujours faire al-tawarruk. Et si c'est une prière dans laquelle il y a un seul tashahhud, ils vont pas faire al-tawarruk, ils vont faire al-tashahhud. C'est ça la différence qu'ils ont avec al-Shafi'iyya. D'accord? Donc, je résume encore une fois, al-Shafi'iyya, ils considèrent qu'ils font, donc ils font l'iftirash dans le premier tashahhud. Si c'est une prière qui a deux tashahhud, le premier ils vont faire al-iftirash, le deuxième ils vont faire al-tawarruk. Et al-Hanabila, c'est la même chose. Si c'est une prière qui a quatre rak'at, ou qui a deux tashahhud, le premier tashahhud ils vont faire al-iftirash, et le deuxième ils vont faire al-tawarruk. La différence entre al-Shafi'iyya ou al-Hanabila, c'est que si c'est une prière qui a seulement deux rak'at, comme salat al-fajr par exemple, ou une prière surérogatoire de faire rak'atain, eh ben al-Hanabila, eux, ils vont dire non, on fait pas de tawarruk quand c'est la dernière rak'at de la prière qui a deux rak'at seulement. On va faire al-Hanabila, ils font l'iftirash quand c'est deux rak'at, quand il y a un seul tashahhud. Tandis que al-Shafi'iyya, eux, ils font pas la distinction si il y a un seul tashahhud ou non. Si c'est la dernière rak'at, ils vont faire tawarruk. Hein? Ou bien ils considèrent que c'est permis de faire tawarruk. Donc, en ce qui concerne les preuves, Cheikh Abdullah al-Bassam il dit: Dalil al-Hanafiyya, ma rawahu Sa'id ibn Mansour an Wa'il ibn Hujr. Qal

eux, ils considèrent que c'est l'iftirash du début jusqu'à la fin dans toutes les positions de la salat. Ils se basent sur le hadith qui est rapporté par Saïd ibn Mansour selon Wa'il ibn Hujrin, qui a dit: j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il s'est assis et qu'il a fait le tashahhud, il a allongé son pied gauche, hein, il a allongé son pied gauche sur la terre et il s'est assis dessus. Il a mis son pied gauche sur la terre et il s'est assis dessus. Ça, c'est al-iftirash. Et il dit également ce qui a été rapporté par Ahmad ibn Rifa'a ibn Rafi', que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un bédouin: lorsque tu t'assois, assois-toi sur ton pied gauche. Assois-toi sur ton pied gauche. Et c'est ce qu'on appelle al-iftirash. Et également, il se base sur le hadith rapporté par al-Tirmidhi et qui a été authentifié. Parmi les hadiths, al-Tirmidhi l'a authentifié, le hadith de Abi Humayd, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, c'est-à-dire dans le tashahhud, et qu'il s'est assis sur son pied gauche. Il a mis son pied gauche par terre, il s'est assis dessus. Et il a dressé son pied droit en pointant ses orteils vers la Qibla. En ce qui concerne la description de la façon de s'asseoir entre les deux prosternations, eh bien, pour les Shafi'iyah et les Hanabila, hein, ils considèrent que c'est entre les deux prosternations, c'est à l'iftirash. Et la preuve de ça, c'est dans les hadiths qu'ils ont rapportés. Et il y a dans ces hadiths-là la mention de al-iftirash pour le tashahhud, mais ils n'ont pas spécifié si c'est pour le premier ou le deux ou autre. Hein. Ils n'ont pas spécifié si c'est pour le premier ou non. Il dit: واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعا. Donc le fait qu'il n'ait pas spécifié si c'est pour le premier ou pour le deuxième, eh bien, ça donne l'impression que c'était la description dans laquelle on doit s'asseoir pour les deux tashahhud, sans distinction. La preuve des Malikiyah, hein, le madhab al-Maliki, pour justifier leur position ou le fait de faire le tawarruk entre les prosternations et dans les deux tashahhud, il se base sur un hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoyait dans le milieu de la salat et à la fin en faisant le tawarruk, c'est-à-dire en s'assoyant sur la fesse gauche. C'est-à-dire il ne s'assoit pas sur son pied gauche, mais il s'assoit plutôt sur la fesse gauche et il passe sa jambe droite, hein, il passe sa jambe gauche sous sa jambe droite, hein, du coup, en passant en s'assoyant sur sa jambe au lieu de s'asseoir sur son pied. Hein, il s'assoit sur sa jambe gauche au lieu de s'asseoir sur son pied gauche, il s'assoit sur sa jambe gauche et il s'assoit sur sa fesse, il s'appuie sur sa fesse gauche tandis que sa jambe droite est du côté droit et il redresse son pied du côté droit. Donc ça, c'est ce qui est connu chez les Malikiyah et c'est ça leur référence. Tandis que Al-Shafi'iyah ou Al-Hanabila, ils se basent sur les ahadiths qui mentionnent Al-Iftirash pour le tashahhud, comme on a dit, le premier tashahhud dans les narrations qu'ils ont rapportées. Puisque c'est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Humayd al-Sa'idi, qui a dit que lorsqu'il s'assoyait pour la dernière rak'a, qu'il s'assoyait sur le pied gauche et qu'il le relevait, ça, son pied droit. Et il s'assoyait donc dessus. Donc ici, ça c'est une des narrations, puis il y a une autre narration qui est rapportée par l'imam Muslim. Le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Zubayr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il mettait son pied gauche entre sa cuisse et sa jambe, entre son pied gauche, entre sa cuisse et sa jambe, et il s'assoyait sur كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. Donc il mettait son pied gauche entre sa jambe et sa cuisse, et il s'assoyait sur son pied droit. Il étendait son pied droit. Ça, c'est at-tawarruk. Oui, cette description-là. Parce qu'il étendait son pied droit à droite, puis il s'assoyait sur. Son pied gauche, ou bien plutôt, il plaçait son pied gauche entre sa cuisse et sa jambe. Donc, pour donner c'est ça les exemples. Puis il dit وَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمْ. Donc le hadith de Muslim, il y a le tawarruk dedans. Et il dit وَفِي حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ. Le hadith d'Abu Humayd également, qui est rapporté par Abu Hatim dans son sahih. Il dit حَتَّى كَانَتِ السَّجْدَ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا. C'est ça la narration de Abu Hatim dans son sahih, qui est rapporté selon Abu Humayd. Lui, il mentionne également at-tawarruk. Donc les Shafi'iyya et les Hanabila, ils se basent sur ces narrations là sauf que il y a une divergence, comme on avait dit tout à l'heure, entre al-Shafi'iyya et al-Hanabila sur la question de la prière qui a juste un tashahhud dedans. Les Shafi'iyya, ils considèrent, depuis que c'est la dernière rak'at, tu peux faire tawarruk. Mais les Hanabila, eux, ils disent non. Il faut que ce soit une prière qui a deux tashahhud dedans. Pour faire tawarruk à la fin. Tu fais pas tawarruk si c'est juste deux rak'at. Donc ça, c'est une divergence entre les deux. Et les Shafi'iyya, eux qui considèrent que c'est permis de faire le tawarruk même s'il y a un seul tashahhud, eh ben, ils se basent sur le hadith justement qui est rapporté selon Abu Humayd, par celui qu'on a mentionné, rapporté par Abu Humayd selon Abi Humayd par Abu Hatim, puisqu'ils disent c'est pas mentionné que ce soit c'est seulement mentionné que c'est la dernière rak'at, c'est pas mentionné si c'est rak'atain ou plus. Donc eux, ils considèrent que depuis que c'est la dernière rak'at, elle doit faire le tawarruk, puisque le hadith, il dit pas que c'est une condition pour que tu le fasses que ce soit une prière qui a deux tashahhud. C'est mentionné dans la dernière rak'at, tu fais tawarruk. Donc quand tu pries une prière qui a deux rak'at, comme salat al-subh par exemple, eh bien eux, ils disent dans le subh, la deuxième rak'at, c'est la dernière, donc tu peux faire tawarruk dedans parce que c'est la dernière. Tandis que al-hanabila, le madhhab al-Hanbali, les ulama du madhhab al-Hanbali, eux, ils disent non, c'est spécifique, le tawarruk spécifique seulement à au dernier tashahhud seulement. Tu peux pas le faire si c'est le dernier tashahhud dans une prière qui a un seul tashahhud. Il faut qu'il y ait deux tashahhud pour que tu puisses faire tawarruk. S'il y a juste un seul tashahhud, dans ce cas-là, tu fais pas le tawarruk. Donc les Hanabila, ils disent le tawarruk, c'est spécifique au dernier tashahhud dans une prière qui a deux tashahhud seulement. Et ils disent que en ce qui concerne la narration de Abi Humayd, que les Shafi'iyya, eux, utilisent comme preuve, il dit dans cette narration-là, c'est mentionné que c'est le premier tashahhud, puisque par la suite, on voit qu'il se lève. Puis, il mentionne par la suite le tawarruk. Donc, ils disent, ça prouve qu'il avait l'intention de spécifier que c'était seulement pour le dernier tashahhud et non pas pour le premier. Et donc, ils utilisent aussi comme argument que le tawarruk, c'est uniquement pour la salat qui a deux tashahhud, pour faire la distinction entre les deux façons de s'asseoir dans la prière. Donc tu vas t'asseoir dans le premier tashahhud, tu fais l'iftirash, puis dans le deuxième, tu fais le tawarruk. Comme ça, quelqu'un qui arrive, par exemple, il a manqué une partie de la prière, par la façon que l'imam est assis dans le tashahhud, il va savoir si c'est la deuxième ou la quatrième ou la troisième selon la prière. Il va savoir que c'est le dernier tashahhud ou le premier tashahhud. Ça, c'est une des explications. Puis l'autre explication qu'il donne aussi, c'est que quand tu t'assois dans le premier tashahhud, tu te prépares à te relever. Donc quand tu es dans la position de l'iftirash, c'est plus facile de te relever parce que t'es presque, disons, dans la position pour te relever. Tandis que quand tu es dans la position de tawarruk, eh bien, t'es plus écrasé, disons, et c'est plus difficile de te relever quand tu es dans la position de tawarruk. Donc, c'est plus propice pour terminer la prière que pour le faire en plein milieu de la salat. Et donc, il dit ensuite que l'imam Ibn al-Qayyim, il a supporté l'opinion de l'iftirash, tandis que l'imam al-Shawkani, lui, il a réfuté cette position-là. Donc, c'est une question sur laquelle il y a des divergences, et chacun des ulama des différents madhab, ils ont des preuves pour supporter leur position. Donc, les positions, yani, depuis que tu te bases sur le dalil, yani, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, en fait. Que tu fasses le tawarruk ou l'iftirash, dans les deux cas, c'est correct. Et on trouve que ces positions-là sont toutes supportées par des dalils, par des preuves. Donc, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Et il dit ensuite, en ce qui concerne le tashahhud, parce qu'il y a différentes versions du tashahhud, et il dit wa afdalu tashahhud tashahhud Abdullah ibn Mas'ud wa huwa asahhuha walidha faqad ajma'a al-ulama'u ala ikhtiyarihi wa sifatuhu at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمع العلماء على مشروعية التسليم ولكن اختلفوا هل المشروع التسليمتان أو تسليمة واحدة والصحيح أن المشروع تسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة التسليمة الواحدة وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافى والزيادة من الثقة مقبولة واختلفوا في وجوب التسليم فذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه مستدلين بما أخرجه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته واستدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم وأجيب بأن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب فإن هذا زيادة وهي مقبولة وذهب جمهور الصحابة والتابعين من أصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc le cheikh il explique ensuite que la meilleure version des versions de tashahhud qui existent et la plus authentique, c'est la version de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et il dit que c'est pour cette raison-là que les ulama se sont tous mis d'accord en général pour la choisir. Et la description donc de ce tashahhud, c'est at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ça c'est le tashahhud qui est le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud. Il y a différentes versions qui ont été rapportées dans d'autres hadiths qui sont authentiques aussi. Et en réalité, n'importe quelle des versions que tu utilises ou que tu emploies pour faire ta salat, dans tous les cas, yani, depuis que c'est basé sur une version qui est authentique, dans ce cas-là, tu as le droit de l'utiliser et tu peux l'employer, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que parfois, vous allez voir qu'il y a des petites différences d'une version à l'autre, mais elles sont toutes valables. Et je crois que Cheikh Al-Albani, dans son livre Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté toutes les différentes façons de faire le tashahhud. Et donc si quelqu'un veut retourner donc à un livre qui mentionne toutes les différentes versions, il peut retourner à ce livre là et il est disponible aussi en anglais et en français parce que le livre a été traduit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh il dit wa ajma' al-ulama ala mashru'iyyat at-taslim. Les ulama, ils ont tous été d'accord sur le fait que le taslim est légiféré dans l'islam. Le fait de, quand tu termines la salat, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ça, il n'y a pas de divergence que c'est légiféré. Sauf que ils ont divergé à savoir, est-ce que c'est le deux taslim ou un seul taslim qui est ordonné? Et qu'est-ce qui est authentique à ce sujet-là? C'est que ce qui est légiféré, c'est de faire deux taslim, un à droite et un à gauche. À cause des hadiths et de l'authenticité, à cause de l'authenticité des hadiths qui rapportent le fait de faire deux taslim et la faiblesse des hadiths qui mentionnent de faire un seul. Et supposons qu'il dit, et si on suppose que le hadith qui mentionne de faire un seul taslim, c'est authentique, eh bien, les hadiths qui mentionnent d'en faire deux sont un surplus qui n'est pas nié. Donc, le fait de rajouter quelque chose qui est rapporté dans un hadith authentique, dans ce cas-là, on doit l'accepter. Hein? Et tu vois, par exemple, que la réalité à ce sujet-là, Cheikh Al-Albani, il l'a mentionné dans son livre Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que même le taslim, un seul taslim, si tu fais un seul taslim, c'est rapporté dans la sunna aussi, authentique. Donc, si quelqu'un il se limitait par exemple à faire un seul taslim, ce serait quand même valable. Et on a comme exemple de ça, moi je suis allé au Maroc une fois, puis j'ai vu que là-bas, les imams dans toutes les mosquées, ils font un seul taslim. Quand ils font la salat, ils font un seul taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, puis ça s'arrête là, c'est tout. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est pratiqué même dans certains pays musulmans. Et comme Cheikh Al-Albani l'a mentionné, que ça fait partie de la sunna aussi, que c'est acceptable dans la sunna aussi, on retrouve ça aussi dans la sunna. Ensuite, ils ont divergé les ulama à savoir est-ce que c'est obligatoire de faire le taslim. Et quand on dit que les ulama ont divergé sur quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une position qui est acceptable. Parce que des fois, les ulama, ils divergent entre eux sur certaines questions et parfois certains d'entre eux ont une position qui est totalement contraire à la vérité, hein? Et donc il ne faut pas s'étonner de ça. Il y en a des ulama qui se trompent, ça c'est arrivé et ça arrive encore et ça va toujours arriver parce que les ulama ils ne sont pas infaillibles, hein? Et c'est pour ça que les ulama ils ont tous dit إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي. Si le hadith il est authentique, c'est mon madhab. Hein, c'est ça ma position. Donc ici on voit ici que ils ont divergé à savoir est-ce que le taslim il est obligatoire. Et les Hanafiya, hein, le madhab al-Hanafi, ils ont considéré que c'est pas obligatoire de faire le taslim. Subhanallah. Et vous voyez, et même si vous regardez par exemple dans la salat, quand vous regardez par exemple les positions du madhab al-Hanafi au sujet de la salat, pour eux, yani même at-tama'nina, je pense que la la tranquillité et le fait de retrouver la tranquillité entre chaque mouvement, c'est pas une condition, ou c'est pas un rukun pour eux dans la salat, et c'est pas une condition pour eux. Et en même temps aussi, même le taslim, yani, subhanallah, le fait de dire assalamu alaikum wa rahmatullah dans la prière pour terminer sa salat, ils considèrent pas que c'est une obligation. Donc ça veut dire que quelqu'un d'entre eux, je sais pas comment il finirait la salat s'il ne finissent pas par le taslim, hein. Mais c'est pour ça que des fois, moi j'ai constaté, puis je l'ai entendu déjà aussi même de certains ulama qui critiquaient justement ça du fait que parfois les ahnaf, comment ils font la salat, c'est parfois c'est comme tu trouves pas chez eux le khushu' wa tama'nina dans leur prière, parce qu'ils prieraient vraiment rapidement. Des fois, tu les vois, ils prient, ils prennent même pas un peu une pause entre chaque mouvement, ils enchaînent un mouvement après l'autre, et puis ils sont vraiment minimistes, hein, ou bien ils minimalisent beaucoup les règles et les conditions de la salat. Donc, un exemple sur lequel ils se basent, par exemple, un hadith qui est rapporté par Tirmidhi selon Ibn Omar, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam se relève sa tête de la prosternation et qu'il s'assoit, puis qu'il perd son ablution, avant le taslim, sa prière est complète quand même. Et il se base aussi sur le hadith dans lequel on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a corrigé quelqu'un qui priait incorrectement, et quand il est rentré dans la mosquée, il a fait la prière, il est venu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Alors il est retourné, il a prié encore une fois. Il est revenu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, retourne faire ta prière, tu n'as pas prié. Il est retourné faire sa prière, il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Et quand il est retourné, la fois suivante, il a dit, ô messager d'Allah, j'ai fait ce que je savais. Je ne sais pas plus que ça. Donc, apprends-moi. Hein, enseigne-moi à faire la prière correctement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné comment faire la prière. Il lui a mentionné les piliers de la prière pour que sa prière soit correcte. Il lui a dit, entre chaque mouvement, quand tu fais le takbir, après tu vas réciter, après tu vas faire le recours, tu vas rester dans le recours jusqu'à ce que tu sois en tranquillité. Puis tu vas te relever en faisant le takbir, puis tu vas rester droit jusqu'à ce que tu retrouves ta tranquillité encore. Après, tu vas faire takbir, tu vas te prosterner. Et il lui a montré chaque mouvement comme ça, puis de prendre une pause pour retrouver sa tranquillité entre chaque mouvement. Donc, ils disent, les Hanafis, ils disent que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné le taslim. Donc, ça, ils utilisent ça comme argument. Et les ulama ont répondu à cet argument, à ces arguments-là, en disant que premièrement, le hadith de Tirmidhi, qui est rapporté selon Ibn Omar, tous les savants de hadith ont été d'accord pour le déclarer da'if. Donc il est faible, ce hadith-là, donc il ne peut pas être utilisé comme preuve. Et même l'imam al-Tirmidhi, qui l'a lui-même rapporté, il dit que c'est un hadith dont la chaîne de transmission n'est pas forte. Donc ça, c'est la preuve que le hadith ne peut pas être utilisé comme preuve pour justifier que le taslim n'est pas obligatoire. Un autre exemple aussi, c'est le hadith de la personne qui priait incorrectement. Il n'y a pas de preuve dans ce hadith-là pour nier l'obligation du taslim. Hein, puisqu'il y a d'autres narrations qui sont authentiques et qui mentionnent le taslim et qui mentionnent son obligation. Et c'est pour ça que la majorité des sahaba et des tabi'in et des ulama du madhab Shafi'i ou al-Hanabila, ils considèrent tous l'obligation du taslim, et ils se basent sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait constamment, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il a montré aux sahaba comment faire la prière, il leur a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc ça, c'est la preuve que ça fait partie des obligations de la prière, de même que il est rapporté de façon authentique par les rapporteurs des sunan que la prière, c'est qu'est-ce qui débute par le takbir et qui termine par le taslim. Donc, quand tu rentres dans la salat, tu fais le takbir, et quand tu sors, tu fais le taslim pour en sortir. Donc, il y a un accord chez les ulama à ce sujet-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour ce hadith-là. On a donc maintenant complété le hadith 80 et on expliquera le hadith suivant au prochain cours, inshallah, le hadith numéro 81. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.